Les bleuets fortins du 555 d'Aquin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Encore une fois, ça a été une traversée endiablée. Évidemment, le port de la combinaison amenait beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, mais on a vu les images, 4 secondes de différence entre le vainqueur. Et pour en parler, ben, on parle avec notre collaborateur de Nage en eau libre, Marc-André Leclerc. Bon matin, Marc-André. Oui, bon matin. Marc-André, c'était, on peut pas dire que c'est la meilleure de tous les temps. Là. Il y a eu des années que ça a fini au photo finish, puis que ça a pris 2 heures avant de savoir qui avait gagné. Mais c'est une des bonnes. Guillermo Bartola, qui a remporté la victoire à l'Argentin, 6h19min23s, suivi de Guertin, deuxième, et Assev, troisième. Les trois dans pratiquement quoi... pratiquement dans la même minute. Fait qu'on peut pas dire que c'est vraiment le vent, là. Non, mais c'est ça, mais c'était vraiment pas très dans le vent. Ils sont arrivés 600 heures en même temps là, dans la rade de Robert Ball pour conclure le 500 mètres. Alors, c'était vraiment très, très en vent. C'est vrai que tu as raison, il y a une année là, où ça s'est terminé au photo finish et pour conclure qu'on avait deux gagnants pour la 60e avec Desharmin et Tommy Stefanowski. Mais cette année, c'est une course très enlevante et je pense que Guillermo Bartola là, a montré qu'il avait fait une course très intelligente pour arriver comme ça à la fin et avoir beaucoup d'énergie encore. C'est un bon sprinteur. C'est sans doute celui-là qui avait la meilleure vitesse brute qu'il a remporté. Puis il a bien géré sa course. Tandis que Philippe Garcin a commis quelques erreurs et il l'a reconnu. Là, il a mené la compétition en fond de train. C'était sa stratégie de mener presque du début jusqu'à la fin. Malheureusement, il s'est fait coiffer par Guillermo Bertola. Mais Philippe Garcin est parti très rapide et ça a imposé là, une cadence extrêmement rapide dès le début de la course. OK. Est-ce que le port de la combinaison a eu... c'est sûr, on l'avait dit, ça va avoir un impact sur la vitesse. D'ailleurs, Sabrina Lavoie a été la seule à ne pas porter cette combinaison-là. Donc, on l'a vu vraiment. Là, ça va jouer sur la vitesse, puis ça a apparu. Là. Oui, ça l'a apparu. Samedi, c'était pas des conditions idéales. Les athlètes ont... Bertola a fait 6h19, donc sur le record de Stéphane Leca. Donc, à partir de maintenant, la traversée là, va tenir deux registres différents. Là, donc, le record avec Wetsuit, donc établi par Bertola, puis le record sans Wetsuit, établi par Stéphane Leca. Puis, les conditions étaient bonnes, mais c'était pas idéal. Puis, on a vu que les athlètes ont réussi quand même à faire plusieurs nageurs en danger sous le 6h22. Donc, ça prouve que la combinaison là, a un impact très sérieux sur la vitesse des athlètes. Et on le savait que ça allait générer là, sans doute un nouveau record du parcours. Et c'est une bonne idée de la traversée là, de garder deux registres comme ça, là, soit avec la combinaison ou sans la combinaison. Parce que c'est certain que samedi, sans la combinaison, il n'y a pas un athlète qui aurait nagé là, sous les 6h22, là, donc sous la marque de Stéphane Leca, établie en 2000. Sabrina Lavoie, elle a choisi de ne pas prendre de combinaison. Est-ce que ça fut une erreur pour elle? Ben, en fait, juste à corriger un petit peu, Dani, c'est Dania Bellil. Dania Bellil, excuse-moi. OK, je suis passé, c'est Sabrina Lavoie, excuse-moi. Non, c'est pas Sabrina, c'est Dania Bellil qui a pas mis la combinaison. Sabrina, elle a dit. Et le phénomène qu'on a vu, Dani, chez les femmes, c'est que la course a tellement été lancée rapidement par Philippe Garcin que les femmes ont eu de la misère à suivre. Okay. Et habituellement, dans le peloton de tête, après 2-3 heures de nage, on voit encore 3, 4, 5 femmes dans le peloton tête avec les hommes. Mais cette année, là, il y a seulement Martina Grimaldi, la gagnante, qui a fait 1 heure ou 2 avec les hommes et elle a décroché rapidement. Fait que ça prouve à quel point Garcin a imposé une cadence extrêmement rapide. Trudy Sabrina Lavoie de Saint-Bruno au lac Saint-Jean, elle était déçue. Elle s'attendait mieux samedi, meilleure performance. Je crois qu'elle a eu de la misère un peu à s'adapter à la combinaison, au wetsuit, elle a eu mal aux épaules. Tandis que de son côté, pour revenir sur Danielle Bellil, elle avait la combinaison avec elle samedi matin. Étant donné que la température de l'eau était à 18, il était optionnel pour elle de mettre le wetsuit ou non. Et à partir de ce moment-là, la combinaison qu'elle avait avec elle à Péribonka samedi matin, au niveau des épaules, c'était trop petit, au niveau des jambes, c'était trop long. Et qu'elle a décidé de partir en maillot avec un maillot conventionnel. Elle a terminé l'épreuve en 8h51, 20 minutes de plus lent que le temps réglementaire, de 1h45 derrière la première dame. Je pense que si elle avait été la combinaison, elle aurait été tout près, là. Elle aurait sans doute retranché au moins 15 à 20 minutes. C'est très remarquable pour elle. Faut saluer le fait qu'elle le fait, là, à la vieille méthode. Et moi, je suis un, comme ancien athlète, comme analyste, je suis pas un fanatique du wetsuit. Mais, elle était, heureusement, elle a pris un pari risqué, mais heureusement, la traversée, lui a permis de compléter la course après le temps réglementaire. Ce qui aurait été malheureux pour elle, c'est de ne pas avoir pris la combinaison. Et d'avoir été retiré des eaux parce que la traversée n'aurait pas permis de compléter là, la course. Fait que heureusement, là, c'est un dénouement là, quand même relativement heureux pour elle là, d'avoir pu compléter la course hors du temps. Je suis persuadé que l'an prochain, elle sera en mesure de se terminer dans les temps réglementaires. Mais pour cette année, c'est un pari risqué, mais quand même, elle a pu compléter la course. Mais au moins, aujourd'hui, elle est capable de dire qu'elle a traversé le lac Saint-Jean-la-Nange. OK. Ben, c'est ça. J'y ai parlé, puis c'était vraiment son objectif. Hey, c'est Sabrina Lavoie qui a déclaré qu'elle espère que la FINA légifère un peu en ayant un wetsuit, mais plus court un peu. Ça pourrait être un entre-deux, ça? Oui, il y a différentes choses. Il y a deux tableaux présentement que la FINA pourrait corriger le tir. Ouais. Présentement, sur est-ce qu'on a un wetsuit ou pas, il y a trois réglementations, en fait. C'est obligatoire. Entre 8 et 20, c'est optionnel. Et 20 et plus, tu peux pas mettre le wetsuit. Présentement, c'est une discussion pour enlever là, la zone optionnelle, là, qui est un petit peu... parce que c'est certain que si tu mets ça optionnel, dès qu'un athlète va le mettre, tout le monde va le mettre, t'sais. Ça donne un avantage considérable, peut-être de 20 à 30 minutes sur 32 km, donc c'est certain qu'ils vont le mettre. Donc, ceci étant dit, ils pourraient enlever l'option optionnelle, c'est-à-dire, mettons par exemple, sous 17 degrés, on le met, puis en haut de 17 degrés, vous ne pouvez pas le mettre. Fait que ça serait déjà une avancée. Puis également, ils pourraient s'entendre là, le wetsuit, c'est-à-dire, est-ce qu'on met un wetsuit vraiment là, de la tête, mettons, du cou jusqu'au pied, incluant les bras et avant-bras, ou on va sur un modèle qui comprend le front, les jambes et qui va se terminer aux épaules. Donc les bras là sont libres d'action. Fait que ça, c'est des avenues qui pourraient sans doute améliorer ou qui pourraient faire en sorte que les athlètes soient plus à l'aise et plus confortables avec cette nouvelle réglementation. OK, on va suivre ça. Ben, c'est du rodage aussi, là. J'imagine que la FINA va prendre, à la fin de l'année, ils vont prendre un petit peu les commentaires, j'imagine, puis ils vont améliorer ça pour l'an prochain, là. Oui, tout à fait. Il va y avoir des corrections. Oui, c'est ça. Expérience. Également, avant la course, il y avait seulement 4 modèles, 2 modèles hommes, 2 modèles femmes qui étaient permis, qui sont distribués par la compagnie Arena. Mais la FINA a quand même accepté à la fin là, d'accepter tous les modèles parce qu'il n'y avait pas assez de distributeurs, d'entreprises, de commerçants qui avaient réussi à déposer là, l'ensemble de la documentation pour faire approuver leur modèle. Fait que, c'est de l'ajustement, cette première année. C'était pas parfait, mais ça a donné quand même une course extraordinaire. Les athlètes vont devoir s'adapter, travailler aussi avec les compagnies comme Tyr, Arena, Blue 70 pour faire en sorte que présentement les wetsuits sont faits plus pour des triathlètes. Maintenant, il va falloir adapter le produit pour que ce soit fait plus pour des nageurs en eau libre. OK. Hey, parle-moi un peu de cette erreur magistrale. Je ne sais pas si tu es en mesure de me parler. J'ai oublié de te demander ça en dehors des ondes. De cette erreur magistrale du nageur italien jeudi. Il était en tête. Il était dans l'arrêt de Robert Val, puis il a changé de trajectoire. Comment peut-on faire ça? Méchante erreur. C'est épouvant. C'est épouvantable, mais quoi, c'est un manque d'attention, quoi? Oui, c'est pas un manque d'attention, ou t'es mal situé ce parcours. Le parcours du 10 km dont tu fais référence, c'est un parcours qui est quand même assez facile à comprendre. Ah oui? Il y a quatre bouées, puis tu tournes 6 fois. Mais malheureusement pour lui, moi, j'ai déjà vu des athlètes faire des tours supplémentaires. Ils partent pour un 7e tour. Oui, je veux dire, ça arrive, ce moment de distraction, tu es dans la course, tu penses que t'es pas là, tu passes tout droit à l'eau de tourner ou vice-versa. Fait que c'est... J'ai déjà vu des gens tourner au mauvais endroit et au lieu de revenir sur leur pas. C'est malheureux, mais ça fait partie, c'est la beauté de l'eau libre, hein. C'est pas en piste, c'est bien rare que tu peux te tromper, là. C'est ce que je veux dire. Ben non. Le fait que. C'est des doigts dans le fond, puis ça fait partie de la course. S'il aurait arrêté un Québécois, un affaire comme ça, ça aurait pas arrivé un Québécois, mais ça, j'imagine que t'entends. Tu sais, la langue, ça a-tu pu avoir un lien? Non, je pense pas, parce que c'est pas la tête dans l'eau d'aller. C'est certain que c'est un nageur que c'est sa première fois ici. Fait que c'est sûr que à partir de ce moment-là, c'est sûr que tu connais moins le parcours, t'es moins à l'aise. Là. J'avais pas vu des nageurs canadiens se tromper là, parce qu'ils connaissaient bien, ils ont fait beaucoup de repérage. Mais ça aussi, c'est souvent un peu malheureusement avec l'eau libre, souvent on prend les athlètes et les entraîneurs prennent des fois un peu les choses à la légère et prennent tout pour garantie. On fait pas assez de repérage sur les parcours. Dans la chose du wetsuit, il y en a qui ont, dans l'histoire du wetsuit, il y en a qui ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup utilisé ou pratiqué avec le wetsuit avant, tandis qu'il y a un temps qui peut être sans doute permis à la traversée cette année. Puis, tu sais, il y a comme un peu de. On s'entraîne, on veut nager rapidement, mais des choses, des fois, il faut gérer comme du repérage de parcours, bien pratiquer avec les maillots, peu importe les maillots, peu importe la sorte, avant. Faut laisser rien au hasard, puis on dirait qu'on sent un peu de un laisser aller par rapport à ça, là, à gauche et à droite, là, où on se concentre tout sur la performance, le danger rapide, les gens font des entraînements très, très, très élevés, mais on oublie là, de faire les choses simples comme s'assurer de bien comprendre le parcours ou de pratiquer avec les bonnes paires de lunettes, le bon casque, le bon maillot, là, les semaines précédentes. Effectivement, c'est très, très, très spécial qui est arrivé. Ben, Marc-André Leclerc, gros merci. On s'en parle peut-être au lac Mégantic. Est-ce que tu vas être là au lac Mégantic? Oui, tout à fait. On s'en parle encore au lac Mégantic. Donc, Marc-André Leclerc de Planète 99.5.